Texte 1. Pardon, merci. Chaque jour que Dieu fait, on espère voir nos enfants rire et grandir au soleil. Ce sont nos tout-petits, et dans leurs veines coulent nos vies. On ne choisit pas les enfants qu'on aura, mais à peine nés, on sait qu'on les aimera. Grands, maigres, petits ou gros, ce sont nos tout-petits, ils sont tous beaux. On les regarde avec des yeux qui s'illuminent de mille « je t'aime ». Quand nos bébés se mettent à rire, c'est toute la vie qu'on aime. Rien au monde, ni loi, ni Dieu, ne saurait nous contraindre à nous séparer d'eux. Ils sont uniques, ils sont précieux. Malheur à qui voudrait s'en prendre à eux. Ce sont nos tout-petits, et dans leurs veines coulent nos vies. À tout cela, je voudrais leur dire merci. Merci pour vos sourires, merci pour vos regards. Ils adoucissent nos vies et donnent du sens à nos histoires. Merci pour toutes ces nuits où vous, malades et nous debout, on apprenait enfin à protéger un plus petit que nous. Merci pour vos deux bras tendus courant vers nous pour épancher vos pleurs ou juste pour nous sauter au cou. Merci de pleurer et de rire pour nous rappeler des sentiments humains dans un monde qui, hélas, est de moins en moins. Merci pour tout et plus encore, pour ces moments cœur contre cœur où rien ne compte que l'instant d'aimer, l'instant de croire qu'on vous construit un monde meilleur, un monde d'espoir. Vous êtes nos tout-petits, et dans vos veines coulent nos vies. Alors, si l'enfance n'est pas un vain mot, un mot banal, un mot pour rien, s'il désigne tous les petits, qu'ils soient à nous ou aux voisins, il est temps que l'on s'occupe de ces enfants laissés pour compte, pour qui l'enfance n'est que souffrance et dont le sort est une honte. Il y a ces enfants au regard meurtri, au sourire que des hommes ont détruit, ceux qu'on achète juste pour une nuit, ceux qu'on équipe d'un fusil. Il y a les enfants battus, les enfants perdus, ceux qu'on voudrait avoir et ceux qu'on n'a pas eu, ceux qui meurent de faim, de froid ou de faiblesse. Ce sont tous ces enfants pour qui l'avenir n'est que détresse. À tout cela, je voudrais leur demander pardon. Pardon pour tous ces monstres qui détruisent votre enfance. Pardon pour tous les autres qui gardent le silence. Pardon d'avoir ces présidents, pardon d'avoir ces ministères qui ne s'intéressent qu'à eux et à leur sacro-sainte carrière. Pardonnez-moi aussi de n'avoir fait que ce que je pouvais faire. Je lance un SOS pour cette enfance en détresse, pour que l'enfance soit protégée et que partout dans le monde, ce moment d'innocence soit épargné. Souvenez-vous, ce sont nos tout-petits, et dans leurs veines coulent nos vies. Je n'ai aucun pouvoir autre que celui d'espérer et d'y croire. Et quand je peux, je fais. Quand mes petits sont endormis, bien au chaud, bien calé, je rajoute chaque nuit sur leur front un baiser de larmes mouillées. Il est pour ces enfants au destin sacrifié, pour tout ce que je n'ai pas fait et que j'aurais pu faire, un baiser supplémentaire pour les enfants du monde entier.